Chapitre 20e. Le vice a d'impénétrables mystères. Ceux qui ont une fois mis les pieds sur cette pente irrésistible descendent toujours, quoi qu'ils fassent pour remonter. La femme qui a abandonné une fois l'austère chemin du devoir, cette voie ardue où il est besoin de marcher d'un pied ferme, parvient quelquefois à y entrer, mais la moindre pierre d'achoppement, le moindre obstacle suffit pour la faire retomber au plus profond du précipice. Ces quelques réflexions nous étaient nécessaires pour expliquer l'étrange conduite de Madame Malassis et nous permettra d'esquisser en quelques lignes la biographie de cette femme. Madame Malassis était à 15 ans première demoiselle dans une importante maison de mode de la rue de la Paix. À 16 ans, elle abandonna brusquement cette position pour suivre un vieux débauché veuf, riche, sans enfant, qui remplaça son châle de tartan par un cachemire et les fleurs de sa coiffure par des branches de corail. De 18 à 23 ans, l'existence de la jeune femme fut livrée à tous les hasards de la vie des pécheresses. Un adorateur splendide la trouva un soir, aux prises avec la nécessité la plus âpre, et prévoyant sans doute que la folle créature ne songerait jamais à l'avenir si l'on y songeait pour elle, il lui acheta un fonds de parfumerie sur le boulevard des Italiens. Là, Madame Malassis, qui par hasard avait de l'ordre, prit sa situation au sérieux et acquit bientôt cette âpreté au gain, cette économie sévère et bien entendu qui mène les commerçants à la fortune. Un ancien commis-voyageur, un homme qui touchait à la cinquantaine, ne s'effaroucha point du passé un peu leste de la parfumeuse, lui offrit sa main et fut agréé. Comme César Birotteau, le héros immortel de Monsieur de Balzac, M. Malassis était prédestiné aux grandeurs humaines. 7 ou 8 ans lui suffirent pour amasser 200 000 francs. Il devint adjoint au maire de son arrondissement, membre d'une foule d'institutions philanthropiques, et il produisit dans le monde officiel d'abord, puis dans celui de la finance, et presque dans le faubourg Saint-Honoré, la petite modiste de chez Fanny, l'ancienne femme galante à demi réhabilitée par le mariage. Quand M. Malassis mourut, et il mourut d'une indigestion à la suite d'un copieux souper fait au rocher de Cancale, sa femme avait été adoptée par le monde qui ignorait toute une partie de ses antécédents. Mais nous l'avons dit, le vice ne pardonne point. Madame Malassis avait habilement dissimulé ses instincts pervers et cependant, M. Malassis avait été, disait-on tout bas, bien souvent trahi. Son mari mort, la veuve rencontra le vieux duc du château Mailly. Elle avait alors 35 ans, l'âge de l'ambition. Elle entrevit un avenir superbe. Elle rêva de courir et d'éclipser à jamais les fanges de son passé par les perles éclatantes d'une couronne ducale. Pendant 2 années, la vieille courtisane prit au sérieux son rôle de femme austère. Elle fut dame patronesse, elle vit le meilleur monde, se lia intimement avec la marquise Van Hoop et sut inspirer au vieux duc une irrésistible passion. On eût pu croire qu'elle avait à jamais reconquis et gravi les sommets ardus de la vertu. Illusion. Le jour où elle rencontra ce petit jeune homme au lorgnon d'écaille, aux cheveux bouclés, aux minois vulgaires et séduisants, à l'aplomb des fils de famille qui passent, gantés de jaune serein, leur vie sur le boulevard des Italiens, Madame Malassis sentit le passé la reprendre dans ses mains crochues et puissantes et l'abîme se rouvrir sous ses pieds. Elle était née courtisane, elle devait l'être jusqu'au jour où l'aveugle duc de Château-Mailly la conduirait à l'hôtel. La veuve avait 36 ans, l'âge des passions volcaniques chez la femme. Elle commençait à paraître son âge, on le chuchotait dans le monde à ses oreilles. Le vieux duc ne s'en apercevait point. Mais le duc était septuagénaire. Et peut-être que la voix mystérieuse du cœur s'éveilla enfin chez cette femme, dont la vie n'avait été qu'un long calcul. Elle avait trouvé sur la route une nuit un jeune homme de 20 ans lancé comme une bombe par l'invisible main de Sir Williams. Ce jeune homme lui avait parlé le vulgaire et chaleureux langage de la passion et la femme, qui tant de fois avait cédé, avait été vaincue encore. Pendant quelques heures, cet esprit fort, calculateur, ce chiffre devenu femme, avait tout oublié. On lui avait parlé d'amour, à elle qui n'entendait plus ce langage, sortir de 2 lèvres jeunes et fraîches, elle avait écouté. mais la folie à 16 heures, rien de plus. Madame Malassis voulait bien aimer encore, mais elle voulait aussi épouser le duc. Aussi, à partir de ce jour, divisa-t-elle habilement son temps. Rentrée chez elle bien avant la nuit, toujours prête à y recevoir M. de Château-Mailly, si un caprice jaloux venait à l'y conduire, elle sortait chaque jour vers 2 heures. Où allait-elle? En femme prudente, Madame Malassis n'avait pas cru devoir mettre sa femme de chambre ni aucun de ses gens dans le secret de son nouvel amour. Elle sortait de chez elle en voiture, dans un fiacre la plupart du temps, remontait la rue de la Pépinière, prenait la rue Saint-Lazare, qu'elle suivait dans toute sa longueur, entrait dans l'église Notre-Dame de Lorette par la grande porte, y séjournait environ 10 minutes et sortait par la rue Fléchier. Là se perdaient les traces de Madame Malassis. Allait-elle soulager une infortune? Allait-elle à quelque mystérieux rendez-vous? Elle entrait dans une maison de la rue Fléchier, passait comme une ombre devant la loge du portier, montait lestement un escalier, son voile baissé. Une porte s'ouvrait et se refermait, c'était tout. Quelquefois, 1 heure et même 2 s'écoulaient avant qu'elle ressortît. La veuve traversait de nouveau l'église, regagnait son fiacre et rentrait furtivement rue de la Pépinière. Il y avait 8 jours que cela durait, lorsqu'un soir, vers 3 heures, au moment où, redescendant de la rue Fléchier, elle s'apprêtait à retraverser la rue, Madame Malassis s'arrêta et recula tout à coup, comme si elle avait vu se dresser devant elle un reptile armé d'un triple dard. Venture se promenait de long en large sur le trottoir, les mains dans ses poches, un charmant sourire aux lèvres, sifflotant un petit air grivois. Espérant encore n'être point reconnue, la veuve allait passer outre. Mais Venture se plaça résolument devant elle et lui dit « Bonjour, madame ». Il donna à ce dernier mot cette inflexion respectueuse et particulière aux domestiques parlant à leur maîtresse. Et comme Madame Malassis demeurait stupéfaite et toute bouleversée, il répéta « Bonjour, madame ». Toute troublée encore, mais prête à reconquérir son sang-froid, la veuve prit un air sévère et le regardant fixement. « Que faites-vous ici, maître Venture ? » dit-elle. « Je me promène, madame. » « Je ne vous ai point pris à mon service pour cela. » Le laquais baissa la tête, balbutia quelques mots d'excuses et se tut. « Cherchez-moi une voiture, dit-elle, et payez-la. Je viens de vider ma bourse sur les pauvres gens qui meurent de faim. » Venture ne se le fit pas répéter. Il se hâta d'obéir, et Madame Malassis rentra chez elle en se disant « Voilà un homme que je vais me hâter de congédier. » Le soir, en effet, après son dîner, elle sonna, et Venture parut. La veuve était dans sa chambre à coucher, au coin du feu, toute seule. Venture salua et se tint debout, sa casquette galonnée à la main. « Que faisiez-vous ce matin, rue Fléchier ? » lui dit-elle d'un ton sec. « J'attendais madame. »« Vous m'attendiez ? » fit-elle en tressaillant. « J'avais suivi madame depuis la maison. » Un éclair de colère brilla dans les yeux de Madame Malassis. « Et de quel droit ? » demanda-t-elle d'une voix irritée. « J'espionnais madame, » répondit-il avec un calme plein de cynisme. Les lèvres de la veuve blanchirent. Une telle insolence dépassait toutes les bornes. « Maître Venture, » dit Madame Malassis, « je crois que je vais être obligé de vous faire admettre à Charenton, car Dieu me pardonne, vous devenez fou. » Venture ne répondit point. Seulement, il remit impudemment sa casquette sur sa tête et s'assit sans façon dans un fauteuil roulé près du feu vis-à-vis de celui de la veuve. « Si madame voulait bien causer 1 minute avec moi, dit-il, elle verra bien que non seulement je ne suis pas fou, mais que, bien plus, elle a peut-être besoin de moi. » Le regard tranquille, le ton assuré et plein d'arrogance de cet homme, qui le matin même était le plus respectueux des valets, bouleversèrent si complètement la veuve qu'elle s'imagina faire un mauvais rêve. Cependant, il y avait dans le geste, dans l'attitude, dans le regard de cet homme, une sorte de fascination qui imposa si fort à Madame Malassis qu'elle n'eut ni la force de le chasser d'un signe impérieux de la main, ni de courir à un cordon de sonnette pour appeler sa femme de chambre. Venture s'assit donc en face d'elle et lui dit « Il ne faut jamais se fâcher, madame, avant d'avoir entendu les gens. C'est toujours une chose pénible de casser les vitres sans profit, et la chose devient même parfois dangereuse. » La veuve, stupéfaite, l'écoutait. « Madame, reprit Venture, Veuillez oublier un moment que je porte la livrée et suis à votre service, et écoutez-moi comme on écoute un ami. » Elle fit un geste de répulsion, presque de dégoût. Il eut un hideux sourire et continua. « Jouons cartes sur table, madame. Vous allez épouser sous 3 semaines monsieur le duc de Châteaumailly, un homme fort riche et pourtant un des plus vieux noms de la noblesse du royaume. Mais il faut si peu de choses pour rompre un mariage. Quelquefois, 3 semaines peuvent avoir la durée d'un siècle. Ainsi, par exemple, supposons que monsieur le duc se soit trouvé comme moi ce soir sur le trottoir de la rue Fléchier. » Madame Alassis frissonna et regarda Venture d'un air effaré. « Ne croyez-vous pas, continua effrontément le laquais, que monsieur le duc demanderait à réfléchir avant de vous épouser, s'il savait que vous allez chaque jour rue Fléchier numéro 4, que vous montez au premier et sonnez à la porte à droite de l'escalier? Dispensez-moi de vous dire le reste. » Éventure regarda insolemment la veuve. Madame Alassis attacha sur lui des yeux pleins de courroux et de haine. « Vous êtes un misérable, dit-elle, et je devine ce que vous voulez. » Alors elle se leva et alla ouvrir le tiroir d'un petit meuble de boule dont elle retira un portefeuille. « Combien vous faut-il ? » demanda-t-elle avec dédain. Venture haussa les épaules. « Vous allez trop vite en besogne, madame, dit-il. Avant d'acheter, il faut savoir ce qu'on achète. Avant de me demander ce que je vais obtenir pour prix de mon silence, apprenez au moins dans quelle mesure je peux vous desservir, si bon me semble. « Chère madame, reprit-il, vous êtes ce qu'on nomme une femme prudente, c'est-à-dire que vous n'écrivez jamais et par conséquent vous pourriez nier devant le duc, lui affirmer que je mens, que vous ne connaissez point monsieur Arthur, qu'enfin vous ignorez tout ce que je veux dire. « Je l'ignore en effet, dit madame Alassis, qui retrouva une sorte d'aplomb et d'indulgence au plus fort de cette situation désespérée. « Soit, ricana le laquais, seulement, vous ne me ferez pas l'injure de croire, madame, que je mets mon vin en bouteille avant sa fermentation, c'est-à-dire que je m'embarque dans une affaire sans avoir pris mes précautions. Après, dit-elle froidement, le duc est amoureux, par conséquent il est aveugle. À la rigueur, il pourrait vous croire innocente et victime d'un odieux laquais, si je ne lui apportais que des indices. Heureusement, j'ai un dossier. » À ce mot de dossier, madame Alassis eut le frisson. « Madame, reprit Venture, vous n'avez pas toujours eu 36 ans. Vous avez été jeune, inconsidérée, légère. Vous avez écrit, et beaucoup, à bien des gens. » Et comme elle le regardait avec terreur, cet homme, qui lui parut être un démon vomi par l'enfer, se prit à lui raconter froidement, année par année et presque jour par jour, son existence à elle, madame Alassis, depuis l'heure où elle était sortie de la maison de Maud de la rue de la Paix, jusqu'à celui où elle l'écoutait, l'angoisse au cœur et la sueur au front. Un avocat général fulminant un réquisitoire contre un criminel et fouillant sa vie passée jusque dans ses replis les plus obscurs, eût été moins instruit peut-être que ne se montra Venture en racontant sa propre vie à madame Alassis. Il n'oublia aucun détail, aucune intrigue, corroborant chaque fait d'un nom, d'une date, d'un numéro de rue, relatant chaque lettre tombée, on ne pouvait deviner comment, entre ses mains. C'était à épouvanter le plus hardi des forçats. Pendant quelques minutes, madame Alassis l'écouta en silence et comme atterrée. « Vous voyez bien, madame, dit Venture, que je puis bien des choses, et que de moi seul dépend votre mariage avec monsieur le duc de Châteaumailly. » Elle courba la tête et de larmes jaillirent de ses yeux. « Combien vous faut-il ? » murmura-t-elle enfin. « Ah ! » dit-il en souriant, « vous n'êtes pas assez riche. Je le deviendrai. Non, je ne veux pas d'argent. » Et cet homme, que tout à l'heure elle voulait chasser, la domina alors complètement, arrêta sur elle un regard calme, assuré, dominateur, et reprit. « Madame, vous auriez tort de croire que vous êtes simplement mon pouvoir. Je suis tout et ne suis rien à la fois. Vous êtes au pouvoir d'une association immense, puissante, et dont je ne suis que l'humble mandataire. » Et comme elle continuait à le regarder avec terreur, « Ce n'est pas au prix de quelques chiffons de 1 000 francs que l'association mystérieuse que je représente vous vendra jamais la couronne ducale de Châteaumailly. C'est au prix de vous-même, de votre dévouement, de votre liberté. » Voyez, réfléchissez. » Et Venture se leva. Puis il reprit l'attitude humble, respectueuse, servile, d'un domestique prêt à exécuter les ordres de sa maîtresse. « Quand madame aura réfléchi, dit-il, elle sonnera. Je dois lui dire qu'elle n'a qu'à choisir, ou voir ce soir même le dossier dont j'ai eu l'honneur de lui parler dans les mains de monsieur le duc de Châteaumahy, et se résigner par conséquent à la rupture de son mariage, ou entrer franchement, résolument, les yeux fermés, dans une association qui, après tout, ne désire que son bonheur en échange de quelques légers services. » Et Venture sortit. Pendant une heure, madame Alacisse demeura courbée sous le poids de ses iniquités passées, se demandant comment un infernal génie avait pu reconstituer ainsi toute sa vie pour s'en faire une arme terrible. Puis elle chercha à deviner ce qu'on attendait, ce qu'on pouvait attendre d'elle. Et puis, nous l'avons dit déjà, comme elle touchait l'âge de l'ambition, à cet âge mûr où certaines femmes deviennent impitoyables et se résolvent à fouler le monde sous leurs pieds, si ce peut être une action utile à leur égoïsme, elle sonna et dit à Venture qui se représenta « Parlez, je suis prête à vous écouter, à vous obéir. » Et la femme altière baissa la tête et s'humilia devant ce laquais. Que se passa-t-il alors entre elle et lui, nul ne le sait. Mais dès le lendemain, le sourire était revenu aux lèvres de la belle veuve, son regard était calme. Elle était sûre désormais d'épouser le duc de Châteaumahy, et Venture était redevenu le plus respectueux des intendants. Chaque jour, madame Alacisse sortait comme à l'ordinaire et s'en allait rue Fléchier. Quelquefois même, son intendant portait à M. Arthur un petit billet ambré, écrit de la belle main de sa maîtresse. Les choses en étaient là, lorsque la marquise Van Hoop, sur une traîtresse indication de madame Alacisse, était accourue chez elle, y avait appris vaguement que M. de Verny avait été gravement blessé le matin et s'était évanoui sous le coup de cette foudroyante nouvelle. La marquise évanouie, la veuve sonna. Venture accourut et aida sa maîtresse à porter madame Van Hoop sur un sofa. Alors madame Alacisse lui fit respirer des sels, lui prodigua mille soins, et au moment où elle ouvra les yeux, elle congédia Venture qui s'esquiva sans bruit. « Ah !» murmura la marquise en promenant autour d'elle un regard étonné. « Que s'est-il passé, mon Dieu ?»« Rien, cher ami, absolument rien, » répondit madame Alacisse. « Vous vous êtes trouvé mal, une syncope, voilà tout. » Et comme la marquise, horriblement pâle, se souvenait et se sentait étreindre par une angoisse indicible, madame Alacisse se hâta d'ajouter « Rassurez-vous du reste, dit-elle. Rassurez-vous, ma bonne, ma chère marquise, sa blessure n'est point mortelle. On le sauvera. » Madame Van Hoop jeta un cri de joie imprudente et folle. Et puis tout à coup elle s'aperçut qu'elle avait livré son secret. Elle devina que déjà une autre âme que la sienne avait deviné les tortures inouïes de son âme. Et la pure et chaste femme, l'innocente victime des trahisons du hasard et de l'infernale malice des hommes, se prit à rougir et à balbutier. Elle courba le front comme un criminel qui fait l'aveu de son forfait, et dans un premier élan de douleur, elle murmura « mon Dieu, je suis perdue !» Mais alors aussi madame Alacisse, qui sans doute avait prévu ce désespoir, cette honte anticipée de la femme vertueuse qui croit être déjà coupable, madame Alacisse, qui avait étudié consciencieusement ce rôle, s'agenouilla devant elle, prit ses deux mains dans les siennes, la regarda avec une indicible expression d'indulgence et de dévouement, disant « Je n'étais que votre amie. Voulez-vous que je sois votre sœur ?» La marquise ne répondit pas, mais elle pressa convulsivement les mains de la veuve, et dans cette étreinte, celle-ci devina que la créole altière, la femme sans reproche et qui pouvait marcher le front levé, avait désormais le cœur troublé. Le gouffre s'était entr'ouvert.